Il y a un ascenseur. En général, l'ascenseur marche très bien, mais aujourd'hui, il ne marche pas. Tous les matins, je porte les petits déjeuners dans les chambres. Quelquefois, je porte 3 petits déjeuners sur 3 plateaux. Ce n'est pas facile, c'est même difficile. En général, les clients de l'hôtel sont sympathiques. Mais quelquefois, il y a des clients difficiles. Quelquefois, un client demande une salle de bain avec le téléphone et même une chambre sans chauffage central. Les Delon sont sympathiques. J'aime surtout Valérie. Elle est très jolie.